Ce podcast est une lecture collective du livre Le Consentement de Vanessa Springora, paru aux éditions Grasset en 2020. Les extraits choisis ont été présentés dans l'ordre, mais librement tronqués et entrecoupés de discussions survenues durant la lecture. Cette lecture a été organisée à l'initiative d'Axel Cazeneuve, avec la participation de Blanche, Clément, Coralie, Leïla, Mathieu, Quentin et Rachel. Bonne écoute. Merci. Moi, la raison pour laquelle je voulais faire cette lecture collective, c'est que quand j'ai entendu parler de cette affaire-là et quand j'ai su que le livre de Springora allait sortir, j'ai vraiment eu l'impression de tomber dans une espèce de trou du lapin de l'horreur et de l'indécence sociale. Prologue. Les contes pour enfants sont source de sagesse. Sinon, pour quelles raisons traverserait-il les époques ? J'avais envie de lire ce livre et je pense que la lecture collective, c'est vraiment quelque chose qui permet de partager aussi nos propres avis, nos points de vue dessus, et je pense que c'est intéressant de pouvoir le faire à plusieurs, c'est pour ça que j'avais envie de vous inviter à faire ça. Voilà. Mon père fait encore quelques brèves apparitions dans notre vie. De retour de je ne sais quel voyage à l'autre bout du monde, de passage chez ma mère pour fêter mes 8 ans. Il me rapporte le plus inespéré des cadeaux. Le camping-car transformable de Barbie. Nous rêvent toutes les filles de mon âge. C'est assez impressionnant de voir la réaction de compréhension immédiate à la mention du camion de Barbie. Genre, j'ai vu tout autour de moi, tu vois, des regards dans le vague en mode « Ah oui, le camion de Barbie !» Il possède plus d'une douzaine d'accessoires, un toit ouvrant, une cuisine escamotable, un transat, un lit de place. Deux places ? Malheur ! Ma poupée préférée est célibataire. Elle aura beau étirer ses longues jambes depuis sa chaise pliante en s'écriant « Quel soleil magnifique aujourd'hui !» L'ennui sera mortel. Faire du camping toute seule, ce n'est pas une vie. Tout à coup, je me souviens d'un spécimen masculin rangé depuis des lustres, dans un tiroir car jusqu'ici sans emploi. Un Ken rouquin à la mâchoire carrée, un genre de bûcheron sûr de lui, à chemise à carreaux, avec qui Barbie se sentira forcément en sécurité quand elle campera en pleine nature. C'est la nuit, il faut aller dormir maintenant. J'installe Ken et sa belle côte à côte sur leur lit, mais il fait trop chaud. Il faut d'abord enlever leurs vêtements. Voilà, comme ça, ils seront plus à l'aise avec cette canicule. Barbie et Ken n'ont ni poils, ni sexe, ni tétons. C'est bizarre, mais leur proportion parfaite compense ce léger défaut. J'ai relevé la couverture sur leur corps lisse et brillant, laissé le toit ouvert sur la nuit étoilée. Mon père s'est levé de son fauteuil, prêt à repartir. Il enjambe le camping-car auprès duquel je suis encore affairée à ranger un panier de pique-nique miniature, s'agenouille pour regarder sous le vent. Un sourire narquois tord son visage au moment où elle prononce ces mots obscènes. Alors, ça baise ? Rose fuchsia est désormais la couleur de mes joues, de mon front et de mes mains. Certaines personnes ne comprendront jamais rien à l'amour. De la proie. Du coup, les contemporains, c'est ce qui est au crayon de papier ? Ouais. Sachant que là, c'est pas vraiment. Il n'y a pas de. Enfin, hein, ok. C'est des thèmes, quoi. Première rencontre, désir / attirance. Il y a une définition tirée du trésor de la langue française du consentement. Domaine moral. Acte libre de la pensée par lequel on s'engage entièrement à accepter ou à accomplir quelque chose. Domaine juridique. Autorisation de mariage donnée par les parents ou le tuteur d'un mineur. Ben pour moi, au-delà de même du pur consentement de l'enfant ou préado, en fait, il y a un problème de la posture de l'adulte. Exactement. Et de qu'est-ce qu'il fait. Il y a de la manipulation émotionnelle, okay. Il y a de l'abus de faiblesse et de vulnérabilité affective, okay. Qui sont là. En fait, il y a plein de trucs qui... même si elle est 100% à fond et qu'elle pourrait le vivre bien, etc., pour moi, c'est quand même complètement inacceptable, en fait, ce qu'il fait. Un soir, ma mère me traîne dans un dîner où sont invités quelques personnalités du monde littéraire. À table, il est assis à un angle de 45 degrés. Une prestance évidente. Bel homme, d'un âge indéterminé, malgré une calvitie complète, soigneusement entretenu et qui lui donne un air de bose. Son regard ne cesse d'épier le moindre de mes gestes, et quand nos enfants me tournaient vers lui, il me sourit. De ce sourire que je confonds dès le premier instant avec un sourire paternel. Parce que c'est un sourire d'homme, et que de père, je n'en ai plus. Je retiens au vol son nom, dont la consonance slave attise tout de suite ma curiosité. L'enfant va avoir des désirs, et en fait, dire que l'enfant n'a pas de désir, c'est faux. Néanmoins, l'adulte doit aussi savoir quelle est sa posture. Et là, en plus, dans le cas de Maznev, il y a vraiment... c'est pas juste un adulte une fois, avec une ado, quoi. C'est un serial pédophile. La semaine qui suit cette première rencontre, je me précipite dans une librairie. J'achète un livre de G. Surprise néanmoins que le libraire me déconseille l'exemplaire que j'ai pris au hasard et m'oriente plutôt vers un autre choix du même auteur. Celui-ci vous conviendra davantage, dit-il de façon sibylline. J'ouvre le livre. À la première page, et coïncidence troublante, une de plus. La première phrase, pas la seconde ni la troisième, mais la toute première, celle même qui inaugure le texte, commence par ma date de naissance complète. Jour, mois, année. Ce jeudi 16 mars 1972, l'horloge de la gare du Luxembourg marquait 12h30. Et par vénération aveugle de l'écrivain avec un grand E, je confonds dès lors l'homme et son statut d'artiste. Tracé à l'encre bleu turquoise, une écriture perlée légèrement penchée vers la gauche en ascendance, comme si les paragraphes cherchaient à s'envoler. Au dos sont écrits de la même encre azurée le prénom et le nom de G. À force de sollicitation, je finis par prendre mon courage à deux mains. Je rédige à mon tour une réponse prude et farouche, mais une réponse tout de même. Je viens de fêter mes 14 ans. Il en a bientôt 50. Et alors ? À titre plus personnel, il y a peut-être, je sais pas, un an ou deux, je discutais avec une amie qui a maintenant une trentaine d'années. Et en fait, quand elle avait 15 ans, elle a eu une relation avec un homme qui avait au moins 40 ans, une quarantaine d'années, je sais plus combien exactement. Et en fait, alors il n'y avait pas encore eu cette histoire-là, et quand on en a discuté, elle m'a tout de suite dit « Mais moi, en fait, j'étais amoureuse de lui, j'étais consentante, donc en fait, pour moi, c'est mon histoire d'amour, et il n'y a pas de problème, et c'est pas un débat, en gros, quoi. » et pour elle, elle le voyait, enfin, moi, j'ai fait une drôle de tête, je pense, et elle a vraiment pas compris pourquoi j'ai fait une drôle de tête, et pourquoi ça me paraissait bizarre, et ça m'avait fait tilter. Et moi, à partir du moment où elle m'a dit ça, bah, j'ai rien dit et je me suis trouvée un peu con. Et du coup, bah, j'ai juste rien dit, mais ça m'a pas mal travaillé en fait. J'ai pas mal repensé et après, il y a eu cette histoire-là. Donc pour moi aussi, c'est à mettre en relation avec ça et ça m'aide à réfléchir, ça va m'aider à réfléchir peut-être à ça. Ouais. Tu racontes vraiment n'importe quoi ? Mais non, je te jure, c'est vrai, regarde, il m'a écrit un poème. Ma mère a pris la feuille que je lui tins avec une grimace de dégoût mêlée d'incrédulité. Un air effaré ou pointe même un brin de jalousie. Après tout, lorsqu'elle avait proposé à l'écrivain de le raccompagner chez lui ce soir-là, et qu'il avait accepté, avec tant de suavité dans la voix, elle a très bien pu s'imaginer qu'il n'était pas insensible à ses charmes. Elle découvre avec une violence inouïe que je suis devenue prématurément une rivale, et ce sentiment l'aveugle tout d'abord. Puis elle se reprend et me jette à la figure ce mot que jamais je n'aurais cru pouvoir être associé à G. Tu n'es pas au courant que c'est un pédophile ? Et du coup, je me pose des questions sur comment fonder intellectuellement d'une manière qui me satisfasse réellement le fait d'être contre la pédophilie. Parce que je sens bien que je vois que c'est de la merde, quoi. Je sens bien que c'est de la merde. Mais pour le moment, j'ai du mal à m'élaborer. Une réflexion théorique qui me satisfasse là-dessus. Je me spoil un peu pour voir si j'ai le prochain. Je pense que c'est ok. Donc le prochain a un content warning de perte de virginité. Vaginisme, ok. Et de sodomie. De nouveau, les lettres se succèdent, plus passionnées que les précédentes. Du jour au lendemain, je me suis changée en déesse. Le samedi suivant, je prétexte auprès de ma mère des révisions chez une camarade de classe et sonne à la porte de G. Comment résister à ce sourire carnassier, à ses oreilleurs, à ses mains longues et fines d'aristocrate ? Quelques minutes plus tard, je suis étendue sur son lit et cela n'a absolument rien à voir avec quoi que ce soit de connu. Je n'ai pas de dessous féminin digne de ce nom. Rien ne peut davantage plaire à G, de ça je n'ai encore qu'une conscience assez confuse. D'une voix câline, il se vante alors de son expérience, du savoir-faire avec lequel il est toujours parvenu à ôter leur virginité aux très jeunes filles, sans jamais les faire souffrir, allant jusqu'à affirmer qu'elles en gardent toute leur vie un souvenir ému, si chanceuses d'être tombées sur lui et pas sur un autre. Un de ces types brutaux, sans le moindre tact, qui les aurait cloués au matelas sans ménagement, associant en ce moment unique un goût de désillusion éternelle. Sauf que dans mon cas, impossible de se frayer un passage. Mes cuisses se serrent dans un mouvement réflexe incontrôlable. Je hurle de douleur avant même qu'il m'ait touché. Pourtant, je ne rêve que d'une chose. Dans un mélange de sentiments bravaches et fleurs bleues, j'ai déjà acquiescé intimement à cette oraison inéluctable. G sera mon premier amant. Et si je suis ici allongée sur son lit, c'est bien pour cette raison. Alors pourquoi mon corps s'y refuse-t-il? Pourquoi cette peur irrépressible? Je ne se démonte pas. Sa voix me susurre des mots réconfortants. Ce n'est pas grave, en attendant, on peut faire autrement, tu sais. Quelque chose comme ma présence au monde s'efface. Pourquoi je voulais lire ce livre? Peut-être déjà pas mal de gens pour pas le lire seul. Je suis amoureuse. Je me sens aimée comme jamais auparavant. Et cela suffit à gommer toute aspérité, à suspendre tout jugement sur notre relation. Les premiers temps, après avoir passé un moment dans le lit de G, je suis émue en particulier par deux choses, le voir pisser debout et se raser. Comme si ces gestes étaient pour la première fois dans un univers depuis trop longtemps réduit au rituel féminin. Ce que je découvre dans les bras de G, ce domaine de la sexualité adulte jusque-là impénétrable, est pour moi un nouveau continent. J'explore ce corps d'homme avec l'application d'une disciple privilégiée, j'assimile avec gratitude ses enseignements et me concentre sur les exercices pratiques. J'ai le sentiment d'avoir été élue. Si ça se passait juste bien, si elle avait juste une relation d'amour avec un mec qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qu'est-ce qui serait mal dans cette relation-là? M'avoue en effet qu'il a mené jusque-là une vie très dissolue, dont témoignent certains de ses livres. À genoux, les yeux embués de larmes, il me promet de rompre avec toutes ses maîtresses, murmure qu'il n'a jamais été aussi heureux de toute sa vie, que notre rencontre est un miracle, un véritable cadeau des dieux. Désormais, G est presque tous les jours posté devant la sortie de mon collège. Pas tout à fait devant, à quelques mètres, sur la petite place au bout de la rue, de sorte que j'aperçois tout de suite, derrière une horde d'adolescents survoltés, sa silhouette longiligne vêtue au printemps d'une même saharienne de style colonial, l'hiver d'un manteau qui rappelle ceux des officiers russes de la Seconde Guerre mondiale, long et couvert de boutons dorés. Été comme hiver, il porte des lunettes de soleil censées protéger son anonymat. Notre amour est interdit, réprouvé par les honnêtes gens. Je le sais, car il ne cesse de me le répéter. Je ne peux donc en parler à personne, il faut faire attention. Mais pourquoi? Pourquoi, puisque je l'aime et qu'il m'aime aussi? Et ses lunettes, sont-elles vraiment discrètes? En 77, une lettre ouverte en faveur de la dépénalisation des relations sexuelles entre mineurs et adultes, intitulée « À propos d'un procès », est publiée dans Le Monde, signée et soutenue par d'éminents intellectuels, psychanalystes, philosophes de renom, écrivains au sommet de leur gloire, de gauche pour la plupart. On y trouve entre autres les noms de Roland Barthes, Gilles Deleuze, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, classe. Mon cœur est tout brisé. Ouais, c'est un peu triste. André Glucksmann, Louis Aragon. Je suis désolée. Il est notable que Michel Foucault n'ait pas signé ce truc. Oui, et bien, il y aurait dû rassurer. C'est J'ai eu du mal à saisir tout ce qui vous a fait réagir sur les gars qui avaient signé cette pétition sur la liberté des mœurs. En fait, ce qui est choquant dans cette pétition, c'est qu'on va immédiatement prendre le parti de l'adulte. C'est-à-dire qu'on va défendre l'adulte contre le fait que les enfants puissent dire qu'en fait, c'était pas OK. C'est-à-dire, si jamais tu dépénalises la pédophilie, tu vas dire, ça va être comme n'importe quel autre viol, c'est sa parole contre la mienne. Là, ce que la loi essaie de faire, c'est de dire que les enfants... C'est quand même plus grave. C'est quand même n'ont pas forcément toujours les moyens psychologiques, le développement suffisant pour consentir. Après, c'est une question qui est vraiment compliquée, je pense. Je me pose des questions sur le traitement de la pédophilie. Comme tabou. C'est-à-dire que je pense que le fait d'en faire un tabou aussi évident est peut-être ce qui fait que quelqu'un comme Maznev peut être vu comme quelqu'un qui brise des tabous. Tu vois. C'est que dans les années 70, au nom de la libération des mœurs et de la révolution sexuelle, on se doit de défendre la libre jouissance de tous les corps. Empêcher la sexualité juvénile relève donc de l'oppression sociale, et cloisonner la sexualité entre individus de même classe d'âge constituerait une forme de ségrégation. Lorsqu'elle était adolescente, m'a confié ma mère, le corps et ses désirs étaient encore tabous et jamais ses parents ne lui ont parlé de sexualité. Elle avait tout juste 18 ans en 68. 68 a dû se libérer une première fois d'une éducation trop corsetée, puis de l'emprise d'un mari invivable épousé trop jeune. Comme les héroïnes des films de Godard ou de Sautet, elle aspire maintenant plus que tout à vivre sa vie. Il est interdit d'interdire et sans doute resté pour elle un mantra. On n'échappe pas si facilement à l'air du temps. Durant ce séjour, trois visites inopinées me laissent un souvenir respectivement amusé, gênant et dévastateur. La première intervient quelques jours à peine après mon hospitalisation. Ma mère, à moins que je ne sois une de ses amies, animée des meilleures intentions, a dépêché auprès de la malade un psychanalyste plein d'une compassion palpable dès le premier regard. Qu'il m'adresse en entrant dans la pièce. Le surlendemain, c'est une autre visite impromptue qui me prend une nouvelle fois de court. Décidément, impossible d'être tranquille dans un hôpital. On entre ici comme dans un moulin. Un visage que j'essayais d'oublier depuis 3 ans a surgi dans l'encadrement de la porte de ma chambre. Celui, toujours aussi ironique, et qui ne peut me laisser indifférente, de mon père. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu te souviens de ta fille, du coup? Ta mère m'a appelé parce qu'elle inquiète pour toi. Il paraît que tu souffres beaucoup et qu'on ne sait pas vraiment comment tu as attrapé ce streptocoque. J'ai pensé que tu serais contente de me voir. Si je n'étais pas paralysée, je le mettrais bien dehors, manu militari. Qu'est-ce que ça peut te faire que je sois malade? Je pensais que ça te ferait plaisir, c'est tout. Je suis quand même ton père. J'ai plus besoin de toi, d'accord ?» Les mots ont fusé malgré moi. Et puis soudain, entraîné dans mon élan, j'ai rencontré quelqu'un. Tu as rencontré quelqu'un? Qu'est-ce que ça veut dire? Que t'es amoureuse? Exactement. Ça veut dire que tu peux repartir et continuer ta petite vie sans moi en toute tranquillité, puisque maintenant, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Ah bon? Tu ne trouves pas ça un peu jeune, 14 ans, pour avoir une relation amoureuse? C'est qui ce type? Ah, et bien là, tu vas t'évanouir, parce que ce type, c'est un écrivain. Il est génial, et le plus incroyable, c'est qu'il m'aime. Il s'appelle J.M. Ça te dit peut-être quelque chose? Quoi? Ce salaud, tu te fous de moi, là? Touché, et en plein cœur. J'affiche mon sourire le plus satisfait. Mais la réaction est cataclysmique. Pris d'une rage incontrôlable, il s'empare d'une chaise en métal, la soulève, puis la projette contre le mur. D'un revers de la main, il balaye quelques ustensiles médicaux posés sur une table d'appoint et se met à vociférer, débitant une bordée d'injures, me traitant de petite putain, de traînée, tempête que ça ne l'étonne pas, ce que je suis devenu avec la mère que j'ai, impossible de lui faire confiance, une pute à logis, crache tout son dégoût envers G, ce monstre, cette ordure, et jure qu'il le dénoncera à la police à peine sorti de l'hôpital. Si cette déclaration n'est pas ce que les psychanalystes appellent un appel à l'aide, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais inutile de dire que mon père ne portera jamais de plainte contre G, et que je n'entendrai plus jamais parler de lui. Moi j'ai envie de lire ce livre parce que je trouve que c'est une démarche courageuse de l'avoir écrit, et que j'ai envie d'être dépositaire de cette parole-là. Et je me pose la question de quelle spécificité de l'emprise il y a à l'adolescence par rapport à d'autres emprises sur des personnes qui sont vulnérables à d'autres moments, par exemple. Enfin, je me demande s'il va y avoir des éléments pour moi là-dessus. Il existe de nombreuses manières de ravir une personne à elle-même. Certaines semblent au départ bien innocentes. J'ai entrepris un jour de m'aider à rédiger une dissertation. Mes notes étant généralement très bonnes, surtout en français, je ne ressens pas la nécessité d'évoquer avec lui mon travail scolaire. Mais, têtu comme une bourrique, et de joyeuse humeur cet après-midi-là, il a déjà ouvert sans mon accord mon cahier de texte à la page du lendemain. « Dis donc ta dissertation, tu l'as faite? Je pourrais t'aider, tu sais. Tu t'y prends tard. Voyons voir. Sujet d'invention, raconter un de vos exploits. Eh bien, moi, figure-toi que j'ai accompli un véritable exploit quand j'avais ton âge. Tu sais que j'ai été champion d'équitation? Parfaitement. Et un jour... Ça ne m'intéresse pas, c'est ma dissertation. J'ai ce renfrogné, puis calé contre les oreillers au fond du lit. Très bien, comme tu voudras. Je vais lire un peu puisque mon adolescence ne t'intéresse pas. Contrite, je me penche sur lui pour lui donner un baiser en guise d'excuse. Bien sûr que ta vie m'intéresse. Tout m'intéresse chez toi, tu sais bien. J'ai s'est redressé d'un bond. C'est vrai? Tu veux bien que je te raconte? Et on l'écrit en même temps? Mais tu es infernal, on dirait un môme. De toute façon, ma prof se rendra compte tout de suite que c'est pas moi qui l'ai écrite, cette disserte. Non, on passera tout au féminin et on utilisera tes mots à toi. On y verra que du feu. Ouf. Le lendemain, je remets honteuse ma dissertation entre les mains de notre professeur de français. La semaine suivante, en rendant les copies, elle s'exclame, « Crédule ou pas, je ne le saurai jamais. Vous vous êtes surpassé cette semaine, V. 19 sur 20, il n'y a rien à dire, c'est la meilleure note de la classe. Alors écoutez-moi bien, les autres, je vais faire circuler le travail de votre camarade, et je vous demande à tous de le lire avec attention. Et prenez-en de la graine. J'espère que ça ne vous embête pas, V. Content warning, tromperie, rejet social. » Enfin, je crois. Oui. Ça va bien. Est-ce que tu peux te poser 2 minutes? Genre, j'aimerais bien juste digérer un petit peu ce passage-là. Ouais. Parce qu'il me... Content warning, misogynie et gaslighting. Le gaslighting, c'est une technique de manipulation qui consiste à faire croire à la victime que en fait tout est dans sa tête et que c'est elle qui est en train de psychoter. Ouais, voilà. Okay. Comment tu l'écris ? Comment tu l'écris ? Gaslighting, comme allumé avec comme un éclairage à gaz. Au gaz. Je sais plus pourquoi ça vient là. C'est le titre d'un film en fait. Ah ouais. En gros, c'est un film des années 20 où c'est un couple. Je l'ai pas vu, mais je connais le pitch. Le mec essaye de faire croire à sa meuf qu'elle est folle globalement. Il déplace des meubles ou il déplace des trucs dans la maison. Et quand elle pose des questions là-dessus, il lui dit que bah, c'est dans sa tête et en fait elle imagine tout court. Le sortilège se dissipe. Il était temps. Mais aucun prince charmant ne vient à mon secours pour trancher la jungle de lianes qui me retient encore au royaume des ténèbres. J'essaie de comprendre. Quel plaisir prend-il à se taper des gosses à manille ? Et pourquoi ce besoin de coucher avec 10 filles à la fois comme il s'en vante dans son journal ? Mais qui est-il vraiment, enfin ? Quand je tente d'obtenir des réponses, il esquive par l'attaque. Me traite d'insupportable ratitionneuse. Ratiocineuse, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je ne sais pas non plus. Ratiocination, c'est le fait de poser des questions de manière extrêmement, tu vois... Genre une fouine, quoi. Ouais, voilà, ouais. Tu vois. Pinailler sur des petits détails, tu vois. Ça marche. Aller chercher la petite bête. Et toi alors, qui es-tu avec tes questions ? Une version moderne de l'Inquisition ? Une féministe, peut-être ? Oh là là ! Il ne manquerait plus que ça ! Moi, je préfère être une ratio de Netflix. Impossible de livrer un combat à armes égales. Je me surprends maintenant à le haïr, de m'enfermer dans cette fiction perpétuellement en train de s'écrire, livre après livre, et à travers laquelle il se donnera toujours le beau rôle. Un fantasme, entièrement verrouillé par son ego, et qui sera bientôt porté sur la place publique. Par la force de l'écrit, il fait de la petite V une fille instable, rongée par la jalousie. Raconte ce qu'il lui chante. Je ne suis maintenant plus qu'un personnage en sursis, comme les filles précédentes, qu'il ne tardera pas à gommer des pages de son maudit journal. Pour ses lecteurs, ce ne sont que des mots de la littérature. Pour moi, c'est le début d'un effondrement. Plus que ses écrits, parce que enfin, les écrits sont liés à son comportement, mais je suis surtout sidéré par qu'il y ait des éditeurs, qui éditeurs et écrits. Et puis des lecteurs, quoi, comme ça. Et des éditeurs. Et des gens qui l'invitent à un plateau télé, ouais. C'est normal, quoi, les gens kiffent. Non, puis même la maison d'édition qui publie. Les maisons, elles se font, enfin, j'imagine, pour. On publie ça, mais c'est illégal. En fait, la seule censure que tu as, c'est la loi sur les publications à la jeunesse, qui concerne uniquement les publications à destination de la jeunesse, où là, tu as un espèce de vague contrôle, où en gros, il faut juste faire gaffe à pas faire n'importe quoi dedans, mais tu es censé mettre une mention, mais c'est les publications à destination de la jeunesse. Après, globalement, tous les livres peuvent sortir, il n'y a pas de contrôle a priori. Par contre, tu peux être poursuivi a posteriori, tu peux avoir quelqu'un qui va porter plainte, et en plus, en général, l'éditeur fait la gueule parce que, en attendant qu'on rende le jugement, tous les livres sont retirés de la circulation. Donc, et ça, les éditeurs, ils n'aiment pas. Et ouais. Ça, les éditeurs, forcément, ils n'aiment pas. Machinalement, je me retrouve en bas d'un immeuble cossu, dont le premier étage est occupé par un ami de G, un philosophe d'origine roumaine, qu'il m'a présenté dès le début de notre relation comme étant son mentor. Sioran entre dans la pièce, lève un sourcil. Putain, pardon, je... Quoi ? D'accord. Si on... J'ai l'air de... Émile, ouais, tu vois. Émile lui-même, ok. Bon. Très bien. Ça m'étonne pas tant que ça, en fait. Mais écoutez les paroles. Très bien. C'est important. Ouais, super. Sioran entre dans la pièce, lève un sourcil, signe d'étonnement, discret mais éloquent, m'invite à m'asseoir. Il ne faut pas plus pour que les larmes jaillissent à flot. Je pleure comme un nourrisson qui cherche sa mère et tente piteusement d'essuyer sur ma manche la morve qui coule de mon nez quand il me tend une serviette brodée pour m'y moucher. On dit de lui qu'il est un nihiliste. Et en effet, dans ce registre, il ne me décevra pas. Émile, je n'en peux plus. Je finis par hoqueter entre deux sanglots. Il dit que je suis folle, que je vais finir par le devenir s'il continue. Ces mensonges, ces disparitions, ces filles qui n'en finissent pas de venir frapper à sa porte, et même cette chambre d'hôtel où je me sens prisonnière. Je n'ai plus personne à qui parler. Il m'a éloignée de mes amis, de ma famille. V, me coupe-t-il d'un ton grave. G est un artiste, un très grand écrivain. Le monde s'en rendra compte un jour. Ou peut-être pas, qui sait. Vous l'aimez, vous devez accepter sa personnalité. G ne changera pas. C'est un immense honneur qu'il vous fait en vous choisissant. Votre rôle est de l'accompagner sur le chemin de la création, de vous plier à ses caprices aussi. Je sais qu'il vous adore. Mais souvent les femmes ne comprennent pas ce dont un artiste a besoin. Je n'en crois pas mes oreilles. C'est lui, le philosophe, le sage, qui profère ces paroles. Lui, l'autorité suprême, qui demande à une fille d'à peine 15 ans de mettre sa vie entre parenthèses au service d'un vieux pervers, de la boucler une fois pour toutes. La vision des petits doigts potelés de la femme de Cioran sur l'anse de la théière m'absorbe tout entière et retient le flot d'injures qui me brûle les lèvres. Toute pomponnée, ses cheveux bleutés assortis à son gentil corsage, elle acquiesce silencieusement chaque mot de son mari. En son temps, elle a été une comédienne en vogue. Puis, elle a cessé de tourner des films. Inutile de se demander à quel moment. Il est chouette ce chapitre, dis donc. Ouais. Sympa. Je suis pas pour la violence physique, mais... Sur-Suran, c'est vraiment l'équivalent de l'époque de l'Edgelord, tu vois. Le trashy Edgelord sur YouTube, tu vois ce que c'est je veux dire? C'est complètement ça, ouais. Genre, c'est le Raptor dissident des années 60-70. Parfois, l'après-midi, après les cours, je m'occupe d'un petit garçon, le fils d'une voisine de ma mère. Je lui fais faire ses devoirs, lui donne le bain, lui prépare son dîner, joue un peu avec lui, puis le couche. Lorsque ma mère ressort dîner dehors, un jeune homme prend la relève. Yuri a 22 ans, étudie le droit, joue du saxophone et travaille le reste du temps pour payer ses études. Un soir, nous restons tous les deux accoudés à la fenêtre à regarder la nuit tomber. Yuri me demande si j'ai un petit ami, et je me laisse aller à des confidences plus timidement, finis par lui raconter la situation dans laquelle je suis. Une fois encore, je parle de moi comme d'une prisonnière. Je lève les yeux sur Yuri. La colère a empourpré son visage, et une violence dont je l'aurais cru incapable déforme ses traits. Mais c'est avec une douleur inattendue qu'il prend ma main et me caresse la joue. Tu te rends compte à quel point ce type profite de toi et te fait du mal? Ce n'est pas toi la coupable, c'est lui. Et tu n'es ni folle ni prisonnière, il suffit que tu reprennes confiance en toi et que tu le quittes. La présence bienveillante et les attentions de Yuri, quelques rares amis fidèles dont je m'étais pourtant éloigné depuis plus de 2 ans et avec lesquels je renoue timidement, l'envie d'aller danser et rire avec ceux de mon âge, commence à l'emporter sur l'emprise de G. Je profite de son absence pour lui écrire. Notre histoire finira comme elle a débuté, par lettre interposée. À son retour des Philippines, ma lettre, écrit-il, le dévaste. Il ne comprend pas. Quand j'annonce à ma mère que je quitte G, elle reste d'abord sans voix. Puis me lance d'un air attristé. Le pauvre, tu es sûr? Il t'adore. En ce qui concerne le livre en lui-même, alors j'y ai pas trouvé ce que je pensais y trouver, c'est une très bonne chose. Donc en fait, je me rends compte que l'idée que je m'étais faite, donc c'était celle du lieu commun évidemment, dans ma tête c'était un espèce de témoignage de ce qui aurait été un viol plus dans le lieu commun, par exemple l'histoire de ce que j'ai compris, ce que pourrait être chatouille. En fait c'est pas du tout ça, parce que durant presque un an, elle va tomber amoureuse. Donc en fait, c'est de l'abus, mais qui sort totalement de ce que je pourrais imaginer qui pouvait être de l'abus. À un point que, si on mettait pause à un moment au début du livre, je pourrais me dire, mais qu'est-ce qui pose problème du coup? Cette relation la rend heureuse? Est-ce que le bonheur, c'est pas un peu ce qu'on cherche dans la vie? Et puis ensuite, tu lis le livre, tu continues, et en fait, durant tout le long de sa vie, ça l'a détruite. Et ça, si je m'arrête au début du livre, je pouvais pas m'en rendre compte. Le rôle de bienfaiteur qu'aime se donner G dans ses livres consiste en une initiation des jeunes personnes aux joies du sexe par un professionnel, un spécialiste émérite, bref, osons le mot, par un expert. En réalité, cet exceptionnel talent se borne à ne pas faire souffrir sa partenaire. Et lorsqu'il n'y a ni souffrance ni contrainte, c'est bien connu, il n'y a pas de viol. C'est l'élément qui rend la notion de consentement si tangente. Très souvent, dans les cas d'abus sexuels ou d'abus de faiblesse, on retrouve un même déni de réalité, le refus de se considérer comme une victime. Et en effet, comment admettre qu'on a été abusé quand on ne peut nier avoir été consentant? Si des gens qui sont retrouvés dans cette situation, qui sont dans cette situation, ont la possibilité de lire le livre, arrivent à se forcer quelque part à lire le livre, ça pourra beaucoup les aider parce qu'ils se rendront compte que la reconstruction, elle est possible. Même si elle est dure, même si elle est longue, elle est possible. Non, moi, quand à la fin du bouquin, quand il disait... qu'elle aurait aimé que quelqu'un d'autre écrive ce livre. Je me suis vraiment dit, mais le cadeau que tu fais à toutes les autres. Le sexe est dans tout. Le désir déborde, vous envahit, s'impose comme une vague, doit trouver satisfaction sans délai et n'attend qu'une personne pour être partagé. Mais certains écarts sont irréductibles. Malgré toute la bonne volonté du monde, un adulte reste un adulte, et son désir un piège dans lequel il ne peut qu'enfermer l'adolescent. C'est à minima super risqué. Et c'est adulte, ça ne peut pas prendre ce risque-là en fait. Ce qui caractérise les prédateurs sexuels en général, et les pédocriminels en particulier, c'est bien le déni de la gravité de leurs actes. Ils ont coutume de se présenter soit comme des victimes, séduites par un enfant ou une femme aguicheuse, soit comme des bienfaiteurs qui n'ont fait que du bien à leurs victimes. L'État, les ONG, les associations pour la défense de la vertu nous expliquent ce qu'on doit manger, ce qu'on doit boire, 5 légumes et fruits par jour, ce qu'on doit penser, ce qu'on doit écrire, qui on a le droit d'aimer, et surtout, ce qu'on n'a pas le droit de boire, ce qu'on n'a pas le droit de penser, ce qu'on n'a pas le droit d'écrire et qui on n'a pas le droit d'aimer. Cette société est irrespirable. C'est arrivé sans prévenir presque du jour au lendemain. Je marchais le long d'une rue déserte avec une question dérangeante qui tournait en boucle dans ma tête, une question qui s'était immiscée plusieurs jours auparavant dans mon esprit, sans que je puisse la chasser. Quelle preuve tangible avais-je de mon existence? Étais-je bien réelle? Pour en être certaine, j'avais commencé par ne plus manger. À quoi bon m'alimenter? Mon corps était fait de papier. Dans mes veines ne coulait que de l'encre, mes organes n'existaient pas. C'était une fable. Au bout de plusieurs jours de jeûne, j'avais ressenti les premiers effets de cette euphorie qui remplace la faim. Et une légèreté que je n'avais encore jamais connue. Je ne marchais plus, je glissais sur le sol, et si j'avais battu des bras, je me serais sans doute envolée. Je ne ressentais aucun manque, pas la moindre crampe d'estomac, pas le moindre appel des sens devant une pomme ou un morceau de fromage. Je n'appartenais plus au monde matériel. J'étais en train de me volatiliser, de m'évaporer, de disparaître. Sensation atroce, comme un arrachement au règne des vivants, mais au ralenti. Une fuite de l'âme par tous les pores de la peau. Bon alors ce livre, on peut dire qu'il n'est pas banal, mais moi je le trouve quand même vraiment très très banal en termes de récit, dans le sens qu'il fait écho à des choses que je trouve banales. Et alors, ce que je trouve intéressant avec ce livre, c'est qu'il... Il y a une trame de narration avec quand même bah, beaucoup, parce que les content warnings au début de chaque chapitre, il y a quand même beaucoup de thématiques qui sont abordées. Mais j'ai aucun mal à lire ce truc et à voir vraiment une constellation de personnes que je connais qui, à différents niveaux, ont vécu la même recette de trucs, quoi. J'ai beau être adulte, dès qu'on prononce le nom de G devant moi, je me fige et redeviens l'adolescente que j'étais au moment où je l'ai rencontrée. J'aurai 14 ans pour la vie. C'est écrit. Un jour, ma mère me transmet une des lettres qu'il continue d'envoyer chez elle, ne sachant pas où j'habite. Mon silence, mon refus de tout contact avec lui, ne le décourage jamais. Dans ce courrier, avec un culot incroyable, il me demande l'autorisation de publier des photos de moi dans une biographie qu'un de ses admirateurs s'apprête à faire paraître chez un éditeur belge. Un de mes amis, avocat, lui répond de ma part une lettre comminatoire. À partir de cette date, si G persiste, d'une manière ou d'une autre, à utiliser mon nom ou mon image dans le cadre d'un ouvrage littéraire, il s'exposera à des poursuites judiciaires. G ne revient pas à la charge. Je suis enfin à l'abri, pour un temps. À peine quelques mois plus tard, je découvre que G possède un site internet officiel sur lequel on trouve, outre la chronologie de sa vie et de son œuvre, des photos de quelques-unes de ses conquêtes, parmi lesquelles deux clichés de moi à l'âge de 14 ans, avec, en guise de légende, cette initiale, V, qui résume désormais mon identité, au point que je signe inconsciemment tous mes mails de cette manière. Le choc est insupportable. Vous savez, il faut savoir aussi, il faut savoir se retirer, il faut savoir se retirer de la vie, il faut savoir mettre fin aux choses. Un matin, j'arrive à mon bureau et découvre un long mail embarrassé de la directrice de maison d'édition pour laquelle je travaille. Depuis plusieurs semaines, elle est littéralement harcelée par G, qui lui envoie des messages la suppliant de jouer les intermédiaires entre lui et moi. Et elle a craqué. Je suis vraiment désolé, V, ça fait déjà un moment que j'essaie de faire barrage pour ne pas vous importuner avec cette histoire, mais comme rien ne semble le calmer, je me suis finalement résolu à vous en parler et à vous faire suivre ces mails, m'écrit-elle. Dans cet échange que je lis, transi de honte, G retrace le cours de notre histoire en le détaillant in extenso, au cas où elle n'aurait pas été au courant et comme si ça l'en concernait. Outre cette insupportable violation de ma vie privée, son ton est à la fois mielleux et pathétique. Soi-disant au bord de la mort, il lui écrit entre autres fadaises que son plus cher désir est de me revoir, tente de provoquer sa pitié. Atteint d'une grave maladie, il ne pourra quitter cette terre en paix tant qu'il n'aura pas revu mon cher visage. Blablabla, bla bla, on ne refuse rien à un mourant, blablabla. Bla bla. Il faut savoir se retirer, il faut savoir se retirer de la vie, il faut savoir... C'est pourquoi il l'en conjure, elle doit à tout prix me transmettre ses messages, comme si accéder à ses caprices tombait sous le sens. Aujourd'hui, alors que je suis moi-même devenue éditrice, j'ai beaucoup de mal à comprendre que de prestigieux professionnels du monde littéraire aient pu publier des volumes du journal de G, comportant les prénoms, les lieux, les dates et tous les détails, permettant du moins pour leur entourage proche d'identifier ses victimes sans jamais faire précéder ses ouvrages d'un minimum de prise de distance vis-à-vis de leur contenu. Surtout lorsqu'il est explicitement écrit en couverture que ce texte est le journal de l'auteur, et pas une fiction, derrière laquelle ce dernier pourrait habilement se retrancher. J'ai longtemps réfléchi à cette brèche incompréhensible dans un espace juridique pourtant très balisé, et je n'y vois qu'une seule explication. Si les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans sont illégales, pourquoi cette tolérance quand elles sont le fait du représentant d'une élite ? Photographe, écrivain, cinéaste, peintre. Il faut croire que l'artiste appartient à une caste à part, qu'il est un être aux vertus supérieures, auquel nous offrons un mandat de toute puissance. Après, par contre, t'as une responsabilité en cascade, c'est-à-dire que si a posteriori il y a des gens qui ont dit hey, t'as fait l'apologie du nazisme ou de la pédophilie ou de ce que tu veux là, qui est censé être légalement répréhensible, tu peux effectivement être condamné évidemment en tant qu'auteur, mais aussi en tant qu'éditeur. Et c'est ça la responsabilité en cascade. En fait, on trouve toujours un coupable entre guillemets et tout le monde va prendre. Après, honnêtement, tu vois certains livres d'Éric Zemmour qui pourtant sont en tête de gondole des Fnac parce que parmi les meilleures ventes. Et moi aussi, je me suis toujours posé la question, ok, mais légalement, c'est sexiste, homophobe et tout ça, et ça devrait pas passer, mais ça passe tranquille, en fait. Post-scriptum. Avertissement au lecteur. Entre les lignes, et parfois de la manière la plus directe et la plus crue, certaines pages des livres de G.M. constituent une apologie explicite de l'atteinte sexuelle sur mineurs. La littérature se place au-dessus de tout jugement moral, mais il nous appartient, en tant qu'éditeur, de rappeler que la sexualité d'un adulte avec une personne n'ayant pas atteint la majorité sexuelle est un acte répréhensible, puni par la loi. Voilà. Ce n'est pas si difficile. Même moi, j'aurais pu écrire ces mots. Regrets collect like old friends. Here to relive your darkest moments. I can see no way. Par rapport à ce dont j'avais envie au départ à la lecture, la dénonciation d'un système, ça va, c'est plutôt... Ça reste par petites touches, entre guillemets, mais c'est suffisamment éloquent, je trouve. Don't let the ghouls come out to play. Au-delà de ça, même, ça pose, elle se pose beaucoup la question du public qui dit sérieux. Depuis la polémique, apparemment, les ventes... des bouquins de Maznev avaient explosé sur Amazon et je crois qu'Amazon en avait retiré au moins un. Ça m'avait vraiment terrifiée parce que je me suis dit mais qu'est-ce que vont chercher les gens en fait qui vont commander les bouquins de Maznev maintenant ? Et j'espère que les gens qui me lisent sortent de mes livres avec une envie de vivre et une envie d'être heureux. Je trouve la dernière partie du livre vraiment importante aussi. Sur le trauma et les conséquences qu'il a eu sur sa vie, parce que encore cette semaine, dans les échanges de mails de famille, il y a toujours un malin pour dire ah bah maintenant, assez jeune, hein, même le malin en question, il faut à tout prix tuer l'homme blanc hétérosexuel, tout ça, même s'il est académicien, même s'il écrit des grands livres. En fait, j'ai vraiment envie de dire à cette personne, mais lis-le ce bouquin. Voilà ce que c'est pour moi la réalité d'une agression. Il y a déjà l'agression elle-même qui est terrible. Mais voilà comment ça marque une personne, voilà comment ça marque une vie. And I've been a fool and I've been blind. I can never leave the past behind. I can see no way, I can see no way. J'ai envie de revenir sur la question du trauma et du développement de ce qu'il y a après, parce que finalement c'est ça que j'ai trouvé le plus difficile à la lecture, c'est tout ce qui concerne les conséquences, la reconstruction, et puis aussi tous les trucs de traumatisation secondaire qui sont liés à l'absence de soutien de l'entourage ou le truc avec Sioran, enfin toutes ces choses-là qui renforcent les abus, quoi. Moi, c'est plutôt le genre de livre que j'aurais préféré lire seule, à la base. Et en fait, c'était beaucoup plus abordable. J'irais peut-être beaucoup moins trash que ce que j'imaginais. Mais elle arrive quand même à faire passer l'essentiel, sans que ça puisse traumatiser. Elle nous l'offre, elle nous l'impose pas. Dark and right and